ge bahogwa ko boba bari mu runani amizero y'abarundi mu santere w'iyo komine ya Mwakiro Sylvie Muhimondo akavuga ko ayo makuru yaronse ariko agahakana ko atamishamirano y'imigambwe iri mu karere arongoye agasaba ko umuntu wese yoba kwiswe muri ubwo buryo kwiyo kwitura ubutungane kugira ngo uwagiriwe n'icyaha ahanwe Harabagabo babiri baraye bishwe inkoho n'ipikipiki birafatwa kuri uyu wa kabiri ku mutumba wa Senga ni muri zone ya Bwagiriza muri komine ya Butezi mu ntara ya Ruyigi amakuru atangwa n'abajeje intwaro muri iyo komine akavuga ko aba bagabo barabasuma bishwe n'abanyagihugu bari bavuye Gitega aho bita Mubuga imubuga ngo abona bo bakaba ariko barabarondera uburongoye igipolisi mu ntara gasaba nyagihugu kureka iyo ngeso yo kwihanira mu Ruyigi Jean-Claude Nshimirimana aba bagabo babiri bishwe kuri uyu wa kabiri ku mutumba Senga komine Butezi mu ntara ya Ruyigi umwe yavukiye mu Magarama komine n'intara ya Gitega wundi nawe akomoka muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura nkuko umustaniri wa komine Butezi abimenyesha amakuru ava kuri uwo mutumba akemezwa n'abajejwe intwaro avuga ko abo bagabo babiri bafashwe n'abanyagihugu bo ku mutumba Senga igihe bariko bahunga bari ku ipikipiki yibwe ku mubuga muri komine n'intara ya Gitega bafise n'inkoho imwe be ni grenade ayo makuru avuga ko abanyagihugu baciye bababoha maze barindira ko igipolisi kihashika kugira ngo kibajane ubwingo bakirindiriye ngo umugwi w'abagabo n'imisore bagendesha amapikipiki yo ku mubuga bavuga ko bibwe ngo baciye bashika kuri uwo mutumba wa Senga basanga abo bagabo babiri baboshwe maze baca babaja ko batangura kubakubita amahiri bahava bapfiraho nyene Komisari arongoye igipolisi mu ntara Mukoko Edouard avuga ko yahashitse abo bagabo babiri bamaze kwicwa abavuye ku mubuga nabo babishe ngo bakize kubona imodoka y'igipolisi ihashitse baca barayanyaga Komisari arongoye igipolisi abandanya amenyesha ko iyo nkoho imwe abo bishwe bari bafise iri muri kigihe mu minwa y'igipolisi grenade nayo ngo iracyarondegwa aho yatawe nayo ipikipiki yari yibwe abo bishwe bariko bagira ko ngo yamaze gusubizwa nyeneyo Komiseri yibutsa abanyagihugu ko atari byiza kwihanira maze akamenyesha ko agiye gutunganya afatikanijwe n'abajejwe intwaro inama kugira ngo bahimirize abanyagihugu bavapanure niyo ngendo yo kwihanira Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi Radio Isanganiro Urakeneye kurondi ikinyamakuru iwacu cyaratangije kuva kuri uyu wa mbere indwi yo kwibuka umenyesha makuru ja bigira imana atawuzi irengero giwe kuva ku itariki ya 22 za kuno kuzu kwezi kwindwi akaba yanyurulijwe ibugarama muri komine n'intara ya Muramvya ni muri iyo zone nyene ya Bugarama haheruka gutogwa ibiziga bibiri biriremba kuruzi mu barazi hari ku itariki ya 11 za kuno kwezi k'umunani ariho ugeze ubu akaba atawushobora kuvuga ko muri ibyo biziga harimo icumenyesha makuru ja bigira imana umubabaro ni mwinshi haba umuryango wa ja bigira imana cyo kimwe no mu ndongozi z'ikinyamakuru iwacu ishyirahamwe Reporters sans frontières harimaze kwandikira umukuru w'igihugu ko yokoresha ubushobozi afise kugira ngo ja bigira imana aboneke riranasaba ko yoshikiriza ivyemezo by'uko yoba kiri muzima naho yoba tumbereye inkuru dukura kubabikurikiranira hagufi mugabo batashatse kuvugira ku radio zemeza ko uwitwa Abera Ishaki yamaze hafi indwi zibiratawe zirengero giwe ubonawe akaba ari uwavuganye ubwa nyuma na Ja Bigira Imana amuhamagaye ku telefone ngo bahurire Bugarama Ishirahamwe Reporter sans frontières risaba irekugwa ry'umenyesha makuru Gisa Steve Birakoze wi radio Buja FM akaba ngo yahagaritswe n'iperereza ari mu kajagahari ku igenekezo ry'18 za kuno kwezi k'umunani Reporter sans frontières ishikiriza ko Gisa Steve Irakoze atamenyeshejwe ico yafatiwe mugabo ivyahavuye bishikirizwa ku numuvugizi w'igipolisi ku rubuga rwe rwa Twitter ngo nuko yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu attentat à la sécurité de l'état mu rurimi rw'igifaransa Faransa mu muryango w'umenyesha makuru bafise amakenga ko kubijanye n'amagara yiwe kuko ngo asanzwe agendana indwara y'igisukari. Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro. Amakuru arabandanya ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho za kaminuza buratanga umuco kubijanye n'abanyeshure bakoze ikibazo kirangiza amashure y'inyigisho nshingiro bene umwaka w'icumi ko ibice 60% byavuzwe atari amanota yafatiwe ko ahubwo ari bitigiri by'abazungururizwa mu gice cya kabiri cy'iyo nyigisho y'ishure nshingiro icyo bita poste fondamentale mu rurimi rw'Igifaransa. Chantal Bajinyura umuyobozi mukuru mu biro by'inyigisho mubwo bushikiranganje akavuga ko amanota iyo muri ico kibazo bafatiye ko ataramenyekana gushika ubu. Abakozi bishira hamwe risanzwe rikora mu bijanye no gucungera umutekano w'inyubako wa Sesco Security Service Company baridoga ko batararonswa agahembo kabo kuva mu kwezi kw'indwi kurangiye, bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inshuro zitari nke ariko amaso yaheze mu nzira. Ni inkuru twateguriwe na Christelle Nizigama. Abo bakozi bashika amajana ne bo mu ishira hamwe risanzwe rikora ibijanye no gucungera umutekano w'inyubakwa Security Service Company ntibidogera gashahara kabo batararonka gusa, nk'uko bibandanya bivugwa n'umwe muri abo bakozi ngo nabo baba bahagaritswe ikiringo gito ngo kugira basubizwe mu kazi ngo hakore ikimenyane. Imyidogo bwa difise muri societe yacu ya gardinage ya Seseko nuko twebwe hahera igihe kinini tudahembwa, nk'ubu tukaba tutararonka amafaranga y'ukwezi kwindwi kandi mubona yuko no kwezi k'umunani gusa no kwaheze. Turabakoze bashika nka katresi rero natwe twagomba yuko kugira ngo tumukorere akazi neza nuko yoduha amafaranga akaduhemba akareka kutugumiza aguma avuga ati azoduha tukaguma mu ntuze mu myidogo. Abakozi turamerewe nabi rero tugasaba yuko deje wacu yuko yogerageza kugira ngo aduhembe neza. Hama ikindi kintu inacho turumva abagiye muri chomage technique ukuntu bagira ingorane ubwo usanga kugira ngo bahabwe akazi basubire mu kazi barinda gutanga ikintu cyangwa bagakoresha kamwana wa mama, ariko ubwo usanga bamaze n'imyaka irenga ingahe ibiri ugasanga uwundi araje uko nyene ahageje ntuze nyiformasi ukaje ubona baramuhaya akazi mugabo wundi nawe ari muri ntuze nyi muri chomage technique batamuhaye akazi. Rero nkasaba yuko naho nyene aho hantu yo harabira kugira ngo umuntu ari muri chomage technique kubo mwongera bakamushira mu kazi. Umuyobozi w'icyo shira hamwe amenyesha ko ico kibazo bakizi, ariko amenyesha kandi ko bafite inama y'abanyamitahe ivyavuye muri iyo nama kaza kubitumenyesha makuru yacu yo hanyuma. Wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu onge. Yavugwa mu makungu mugenzi wacu Mihaye Kanyanga giye kutubwira ibivugwa mu gihugu c'Ubutaliyani aho abantu barenga 20 haribo baraye bahitanwe n'ikinyamugigima c'ibipimo 6.2 amazu atari make nayo agasiduka muri Siriya, naho igisirikare cico gihugu gifadikanijwe n'umugwe ugwanya ivyiterabwoba bita Etat Islamique bakaba batanguje kuri uyu wa gatatu ibitero byo gutuza abitirira idini rya Islamu nayo mu gihugu kibanye cha Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Imyerekano yari yahamagawe ntiyitabiriwe kumwe Mihaye Kanyange. Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, uguhagarika imirimo mu gisagara cha Kinshasa no mu gihugu cyose byo kuri uyu wa kabiri byari byahamagawe n'abatavuga rumwe na leta ntivyahavuye byitabwa kumwe. Muri Libya igisirikare cha Amerika kiriko gikoresha indege mu gutera umugwi witwa ziterabwoba ariwo Etat Islamique mu gisagara cha Sirte. Abanyamerika ngo bakaba ariko bafasha inzego z'umutekano za Libya kugira ngo bagarure ico gisagara kiri ku birometero 450 no uvuye ku mugwa mukuru Tripoli. Tukaba twabikuye ku rubuga gwa radio yabongereza BBC igisata cha Afrika. RFI kandi irandika ku bitero vyazindutse bikogwa n'igisirikare cha Turkiya ifadikanije n'urunani rugwanya imigwi y'iterabwoba ya Kiislamu bikaba vyabereye mu gisagara cha Jarablus nk'uko vyemejwe n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere wa Turkiya mu itangazo yasohoye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Kuri ugo rubuga kandi gwa RFI dusoma ko abantu barenga 18 ni bahitanywe n'ikinyamugigima co ku rugero rwa gatandatu n'ibice bibiri ku gipimo cha Richter mu gihugu c'Ubutaliyano. Iteleviziyo y'Abafaransa nayo France 24 ivuga abantu barenga 37 bamaze gupfa, amazu menshi akaba yabomotse, amabarabara nayo ngo ntahita. Uduce dutatu ngo akaba ari two twababaye cyane. Iyo nyamugigima ngo ikaba yatanguye nk'isaha 9 n'igice zo mu masaha y'Ubutaliyano. Inkuru ya Kalimanzira. abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke batagira aho bashorera umwimbo w'amatomati ngo bashobora kuronka aho bazowushorera mu minsi iri imbere. Ibyo bishikirizwa byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema aho yari yishikiye mu ntara ya Cibitoke. Ubwo rugendo rwiwe rukaba rwahuriranye nuko aho muri iyo ntara ya Cibitoke abarimyi batakigira aho bashorera umwimbo wabo ni nyuma y'aho Leta y'u Burundi burije gusubira gushora ibifungurwa hakujya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Karimanzira uno munsi ni Evariste Nzikobanyanka agiye kudushikana muri Mparambo mu ntara ya Cibitoke. Inyuma yaho abarinyi bo mu ntara ya Cibitoke baburijwe gushorera umwimbo wabo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bavuga ko batagifise aho bashorera umwimbo wabo. Abarira rukajana na barinyi b'itomate bavuga ko uwo zitaburiye kwa gasesa azitanga ku mafaranga make ibibatera agahombo katagira uko kangana bagereranije n'amafaranga bakoresheje mu kuzirima. No murimyi w'itomate ntagira yacira na yamira atera kamo ubushikiranganje bw'uburimyi kugira icyo bufashije. Aha rero twebwe tukavuga tuti n'ubu tubacyafise ikibazo none ubu ngubu ko n'agasoko twahora tujana byanse ubitomate ngirango hahiriwe abatazirima mugaba batizima turagowe ubu abatazirima bazigura make mugo twebwe ntimwibuka ko twazitanze ku mutahe muremure tuca tuguma tufise ikibazo indoro rwaya kubaho n'ukuri turakumye amacyo turabinginze nimugifate mu minwe ikibazo mugende ku nzego mushobora guca ko zose twebwe turiteguye kurima nta ngorane nimwe muzogenda zibonetse kubijyanye n'umwimbo w'umurimyi ngaha kuri rihingure. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yari yishikiye kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke kwirabira ibibazo abarinyi bafise muri kino gihe. Gide Rurema ashima ko abanyacibitoke bafise umwimbo mwiza ashikiriza ku kibazo cy'amatomate yimbuka ku bwinshi muri iyo ntara akabura isoko ko kiraje ishinga Leta y'u Burundi. Aha rero turazi yuko ikibazo cy'amatomati cyama cyavuzwe sibyo kayemo kandi murayimbura bikwiye. Aha rero n'umukuru w'igihugu arabizi kandi twarabiganiriye ndamwemerera ko kuri iki kibazo cy'amatomati tuza tukacicarira mukumva koko ko mudatamba mwirorera kandi ko imyitwariko yanyu ari kwacu. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kandi yarishikiye Imparambo muri komine Rugombo aho naho hubatse ihinguriro ry'amatomati ritarigera rikora inyuma y'imyaka itandatu ryubatswe n'ishyirahamwe Kapade. Umushikiranganje Gide Rurema yababajwe n'ingene abo muri Kapade batari bahashitse kuri uyu wa kabiri kugira bugurure inyubakwa z'iryo hinguriro. Bagerageje kutubwira ido nido bamwe ati turafise amakenga abandi ati kumbure ririko riragugwa n'aba n'aba ariko icibonekeje nuko abari bajejwe kwegera ababene gihugu mu kubahimiriza ngo irihinguriro koko rikorerije mu ngiro mwabonye nta numwe yashitse ngaha. Ibi twabonye ko byateye agahinda abene gihugu hanyuma na twebwe nyene byatutumye twibaza ibibazo byinshi mwabonye ko twaje dugakorera ahantu hugaye. Umushikiranganje w'uburinyi n'ubworozi yemereye abanyacibitoke ko giye kurondera vuba abo mwishira hamwe Kapade kugira barabire hamwe ingene iryo hinguriro ry'amatomati iryo tangura gukora. Umutumire wa radio Isanganiro. Umutumire wano makuru n'umupfasoni Christine Mejo aserukirishira hamwe impuza makungu OIM rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi akorewe nawe akabasanzwe akorera mu Burundi akavuga uko ikibazo cigurishwa ry'abantu cifashe ku isi yose no mu Burundi harimwo akanavuga kandi ico kugira ngo abigeme n'abagore b'abarundi bagurishijwe mu gihe mu bihugu vya Aziya bofashwa ngo batahukane mu gihugu c'amavukiro. Christine Mejo akaganira na Christian Savye. Madame Christina Mejo, vous êtes chef de mission. Mufasoni Christine Mejo, urongo ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi yose, icicaro kiri ngaha mu Burundi. Ndabaramukije. Ndabaramukije. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tenter une définition de ce que sont? Be mo dusigura icarico igurishwa ry'abantu. C'est justement un type haba igurishwa ry'abantu mu gihe hari abantu bava iyo bari basanzwe baba bagana handi batazi yo bagiye bagatangwa nabandi international par rapport au trafic quelle différence par rapport au trafic mais bitandukaniye no quelque chose que les gens prennent conscience de ça en fait ils choisissent de faire ce type de migration uko ari bo bonye ne bahitamo kwimuka eux-mêmes ils sachent pas qu'ils sont en train en fait d'être en forme d'exploitation. Est-ce que la traite existe au Burundi? La traite, c'est un phénomène qui est global aujourd'hui. Même au Burundi, il y a un peu de après, justement, l'industrie de la traite existe partout dans le monde. Justement, maintenant, en Burundi, c'est Burundi sur les trafiquants de rapport des États-Unis qui sort, c'est au niveau de Burundi, turacyari ko turahimiriza abanyagihugu ingene boshobora gutembera si yose batarinze kugurishwa. On est en train de faire les efforts pour faire la formation, la campagne d'information, etc., pour informer des gens qui aimeraient faire des migrations, qui peuvent faire ça dans la manière consciente. Ils ont toute l'information avant qu'ils partent. Vous parliez de quatre épées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces quatre épées qui sont mises ensemble juste pour combattre le trafic? Quatre épées, en fait, c'est qu'on travaille au niveau de protection, la prévention avant qu'ils partent, qu'ils ne tombent pas dans... Harivyo mwita pedine bijyanye no gukingira abantu be no guhana abadandaza abandi. Mu bidusigura avec le gouvernement, avec les médias, avec les agences des Nations Unies, avec la population directement, en fait, au niveau pedine ni gukingira abantu ntibagwe mu rudubi dufatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu abamenyesha makuru tabe n'abanyagihugu mu gusangira makuru na cyane cyane gushingisha imanza kubahuye nayo mahano de justice pour les victimes. Dernièrement il y a eu un réseau de jeunes filles qui ont été amenées beaucoup plus en Asie et ce réseau hari bigame b'abarundikazi baheze muri byo bihugu byo mu bugabane wa Asia ibita kibashobokera ko batahuka muri kino gihe bafashwe nabi mais uko gukicihuti kugira ngo abo bana b'igihugu bave muri ayo mahano. Cette synergie que vous êtes en train de mettre en place au Burundi, quelle est la première chose à faire pour venir en aide à ces jeunes filles qui demandent de l'aide? C'est important qu'ils puissent contacter soit les ambassades, soit les organisations qui sont là sur place, Burundi, ou bien d'ici au Burundi, ou même notre bureau de l'OIM qui est à Dubaï, il y a Paris, ils peuvent se communiquer aussi pour faire une ligne verte que les gens peuvent justement appeler. Madame Christina, je vous remercie. Merci beaucoup. Faso ni Christina ndagushimiye. Ndabashimiye namwe. Murakoze mwebwe mwese mwari mwaduteza amatwi yarakoze na Nadia Sabimana ayari mu buhinga bw'ivyuma makuru mwashikijwe na Placide niyo mungere mugira umutaga mwiza mwese murakoze.